mystère et sur un monde en feu. Ces enfants de l'orage et des jours incertains qui ont fait le visage creusé par main. On vieillit avant l'âge et grandit sans se. C'est l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre.